Bienvenue à Web Musique, c'est Simon Roy qui est en votre compagnie. Encore une fois, j'ai plein de bonne musique, de la musique que vous entendrez nulle part ailleurs à Québec, même à CKRL. Je vous ai trouvé une belle sélection de musique gratuite qui est disponible sous licence Creative Commons. Donc, ça veut dire que vous pouvez télécharger les pièces que vous entendez à l'émission. Pour ça, ben c'est assez simple, vous vous rendez sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, vous avez les liens vers les artistes, vers les endroits pour télécharger les pièces. L'émission est également disponible en balado-diffusion. Donc, si vous manquez des bouts, ben vous pouvez télécharger l'émission le lendemain. C'est disponible depuis avril 2008, donc tout plein de bonne musique gratuite. Cette semaine, on va débuter avec un artiste qui s'appelle DJ Galecio. C'est sur l'étiquette Phonocake, donc c'est un artiste qui vient de Florence en Italie. Je vous fais passer deux pièces qui sont sur son album Love, Beats and Pina Coladas. La première pièce s'appelle Darix Tony. Et la seconde s'appelle Raw Instrumental Part 1. Donc, on écoute DJ Galecio à Web Musique. We'll be right back. sur l'étiquette Phonocake, l'étiquette allemande Phonocake. Donc, c'était DJ Galessio, la pièce Raw Instrumental Part 1. C'était précédé par la pièce d'Arix Tongi. Donc, deux pièces qui se retrouvent sur l'album Love Beats and Pina Coladas. Pour poursuivre Web Music, je vous propose un groupe russe qui s'appelle Gosprom. C'est sur l'étiquette Edphonica. Je vous fais entendre deux pièces qui sont sur leur album Lazy. La première pièce s'appelle Greenland et tout de suite après, c'est la pièce Robots Don't Cry. Ты с Ladies and gentlemen, set your imagination free. Here's a creature. Here's a creature. An object. Let's have a talk. I'm ready. I'd rather have a smoke if you don't mind. Could you give me a light? Could you give me a light? Give me a light? Unbelievable. I'd rather have a smoke if you don't mind. Could you give me a light? Could you give me a light? Vous venez d'entendre la pièce bonus Robots Don't Cry sur l'album Lazy par le groupe Gazprom, un groupe russe qui est sur l'excellente étiquette Headphonica. Puis on avait débuté tout juste avant ça avec la pièce Greenland. Pour poursuivre Web Music, je vous invite à écouter un peu de musique qui me fait penser un peu à la musique de films noirs, donc un peu jazzée, un peu mystérieuse. Le groupe s'appelle Krang. Ça vient de la Belgique sur l'excellente étiquette qui vient des Pays-Bas, l'étiquette Phantom. Donc, je vous fais passer deux pièces qui sont sur l'album Pléiade EP. On va débuter avec la pièce Electra, ça va être suivi par la pièce Cela Neo. Hate. Vous êtes toujours à Web Music. Vous venez d'entendre deux pièces de l'artiste Craigne, un artiste belge qui est sur l'étiquette Phantom. Donc, les deux pièces se retrouvent sur l'excellent album Pléiade EP, un album assez noir qui donne un peu dans la trame sonore justement de films noirs. La pièce que vous venez tout juste d'entendre s'appelle Cela et nous. Puis, on avait débuté avec Electra. On fait une courte pause et on revient à Web Music. Voici quelle doit être la prière de chaque jour. Portez un regard sur Québec, parlez de l'aspect communautaire, politique, environnemental. Ici Raymond Poirier. De quoi parlez-vous? Parlez des dossiers chauds et des grandes questions. Mais on ne demande pas mon avis. Bref, dressez une revue de presse critique, analytique. Le tout saupoudré de culture, de musique, de dégustation. Il n'y a pas de barrière. Vous le dites très bien. Avant 9h, tout est possible, du lundi au vendredi, de 7h à 9h. Je trouve qu'on ne doit pas compliquer les choses, on ne doit pas parler de choses abstraites. Actualité, société, culture, chronique, entrevue, réflexion. Vous les avez connus? Il ne faut pas avoir peur de mélanger tout ça. Oui, c'est très beau, mais ce n'est pas du cinéma. La radio culturelle à Québec. La radio culturelle à Québec. De retour à Web Music, c'est toujours Simon Roy qui est en votre compagnie. Pendant les pauses, vous pouvez toujours m'appeler, ça me fait toujours plaisir. Donc, vous pouvez me rejoindre en studio au 418-640-1586. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Si vous avez des commentaires, je suis toujours ouvert. Donc, c'est ça, gênez-vous vraiment pas d'appeler pendant les pièces. On poursuit l'émission avec un groupe français qui vient de Strasbourg. C'est sur l'étiquette New Logic Net Label. Le groupe s'appelle Butch Up. Je vous fais entendre la pièce Well Splitted. Puis ensuite de ça, c'est Hug a Turtle Today, un artiste qui est sur l'excellente étiquette Kreschloff Organization, une étiquette allemande. Je vous fais entendre leur pièce Nerds on Vacation. Donc pour tout de suite, à Web Music, on écoute Butch Up. We'll be right back. c'est probablement le meilleur nom d'artiste. Il s'appelle Og Turtle Today. Sa pièce s'appelle Nerds on Vacation. Vous avez pu reconnaître un peu de field recording. Une pièce quand même assez complexe. C'était sur l'étiquette Kreischloff Organization, une étiquette qui nous vient de l'Allemagne. Avant ça, on entendait un français de la ville de Strasbourg. Plutôt, c'est un duo de français. Ça s'appelle Butch Up. C'était la pièce Well Splitted. C'est sur l'étiquette New Logic Net Label. On va poursuivre à Web Music avec un artiste russe qui reste en Alberta, je crois. C'est sur le collectif Human Workshop. Human Workshop, ils ont vraiment plein de trucs intéressants. C'est un collectif qui fait de la musique pour la TV, pour le cinéma. Donc, c'est vraiment des pros du son. Puis, ils ont toutes sortes d'artistes vraiment intéressants sur leur label. Ils sont eux-mêmes musiciens. Ils donnent dans l'électronique, musique assez cinématique souvent. Donc, je vous fais entendre Dams Cray. Je vous fais entendre deux pièces sur son album Los Animales EP. La première s'appelle AIWS et la seconde s'appelle The Ant. Thank you. C'était la pièce The Ant, précédée par la pièce AIWS sur l'album Los Animales EP par l'artiste russe qui reste en Alberta qui s'appelle Damscree. C'est sur l'étiquette Human Workshop, un collectif qui vient des Pays-Bas. Donc, Damscree qui s'amuse à faire du sampling à partir de jazz assez obscur, ça donne des résultats vraiment incroyables. On va poursuivre avec un artiste espagnol qui s'appelle Rubek. Je vous fais passer un peu de techno deep. C'est sur l'étiquette Subversive Media, une étiquette que j'ai découvert aujourd'hui. Ils ont de l'excellent techno. C'est vraiment bon, tout ce qu'ils ont à offrir. Donc, je vous fais passer la pièce Wet. C'est un remix de Pedro Trotz. We'll be right back. C'était une pièce par Rubeck, la pièce Wet. C'était un remix par Pedro Troitz, donc Rubeck qui vient de l'Espagne. C'est sur l'excellente étiquette Subversive Media que je vous encourage à aller consulter. Ils ont plein de bons techno assez deep. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est tout pour Web Music. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces entendues à l'émission. Pour ça, rendez-vous au www.webmusic.org donc pour télécharger tout ce que vous entendez à l'émission. C'est le Père François qui va suivre avec l'émission Le Jour du Seigneur, donc un petit peu de propagande jésusienne en ce dimanche soir. Je vous invite à rester sur les ondes de CKRL. Puis moi, ben, je vous donne rendez-vous de la semaine prochaine à compter de 20h30 pour une autre émission de Web Music. You're making trouble. I can't say it, but you can get over it.